Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Hey bonsoir à tous et bienvenue dans le Blues Café en live et en public. J'ai dit en public. J'allais dire bonsoir Cédric. Un vieux réflexe. Bon, désolé, en effet, il me faut commencer cette session par une très mauvaise nouvelle. Mon alter ego est néanmoins ami. Cédric Vernet a mystérieusement disparu ces jours-ci. Certains l'auraient aperçu en compagnie d'un gang de types, du coup pas très chic. D'autres l'auraient plutôt vu à l'autre bout du monde, peut-être en Sicile, toujours dangereux par là, coulant des jours heureux en famille, mais rien de tout ça n'est bien sérieux. En tout cas, j'ai dépêché des marshals pour le retrouver, mais pas de chance, ceux que j'ai missionnés n'ont rien à voir dans la recherche du fugitif. Non, ceux-là seraient plutôt dans le blues. Et au cœur du Massif central, alors je ne sais pas s'il y en a qui savoussaient, plus précisément dans le territoire de l'Allier. Tu sais, d'ailleurs, j'ai lu, je ne connaissais pas, situé dans la fameuse diagonale du vide. C'est même un miracle qu'ils aient pu d'ailleurs trouver le chemin du Blues Café, mais ils sont là. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir sur la scène du Blues Café. Laurent Siguret sur la scène. Thomas Duchesneau à la batterie. Julien Robalo au chant et à la guitare. Voici les Marshals. Bonsoir tout le monde. Oh, it's been a long night since you were a smile, my dear. Back, I hope it will. And the minor chords sing, holy night, oh my. No, it ain't that cold. Oh, Vous êtes bien dans le Blues Café avec les Marshalls. On va demander à Julien de venir me retrouver. Le Blues Café, c'est une émission mensuelle. Vous pouvez nous retrouver à la fois sur notre page Facebook et sur notre site www.bluesactu.com. Et les émissions sont diffusées sur une douzaine de radios, dont vous trouverez la liste sur notre site, ainsi que sur toutes les plateformes Deezer, Spotify et compagnie. Julien. Bonsoir Francis. La dernière fois que vous êtes venu dans le Blues Café, c'est en 2017. 6 ans déjà, c'est fou. Et vous avez retrouvé le chemin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est incroyable. Eh ben oui. Ouais, c'est pile poil dans la diagonale en fait. Alors, la fameuse diagonale. On va en parler de cette diagonale. Alors rappelons-le quand même, vous êtes un trio de musiciens réfugiés en quelque sorte dans le Bourbonnais, à Moulins, dans l'Allier. Le public cherchera sur la carte. C'est pas bien évident pour bien chercher. Au milieu de ce qu'on appelle, donc je l'ai dit tout à l'heure, la diagonale du vide. Un axe, je me suis renseigné, à la faible densité de population. Donc il y a au moins vous. Et qui traverse la France. Mais vous en parlez souvent. Pourquoi ? C'est quelque chose d'important pour vous, cette diagonale ? Je ne suis pas sûr que ce soit nous qui en parlions le plus. Et surtout, c'est surtout la presse. C'est surtout la presse qui en parle le plus. Nous, on n'en parle pas spécialement, ni dans les chansons, ni ailleurs. Mais apparemment, ça fait causer. Ah, mais dans votre dossier de presse, un truc, on en parle quand même de cette diagonale du vide. Peut-être que c'est aussi un concept. Alors, vous dites quand même, malgré tout, que bah, ces terres, on les aime autant qu'on les déteste. C'est à ce point-là ? Bah non, en fait, on les aime. Mais c'est vrai que des fois, on les déteste. Et pourquoi, mais des fois, on les aime. Ah bah, ils sont compliqués. Et pourquoi alors ? Pourquoi non, mais en vrai, en fait, cette diagonale, elle est super, en fait, parce que ça permet de faire un petit temps mort, en fait, quand on vient de quelque part où il y a beaucoup de choses. Ouais. Là, on passe et on prend le temps. Nous, on aime ça, en fait. Alors cet moi, espace j'ai... où il y a du temps, il n'y a pas grand monde. Bah, j'ai quand même un peu traduit cette diagonale du vide que j'ai essayé un peu de traduire d'une autre façon, parce que, en quelque sorte, c'est un carrefour de nulle part. Ouais. Et ça m'a un peu rappelé le Crossroads. Alors, est-ce que vous avez passé un pacte ? Non, pas vraiment, mais c'est vrai que ça fait penser un peu oui, aux endroits où il n'y a pas grand-chose, c'est vrai. Et la pulsation originelle du blues vous rapproche-t-elle justement de ces terres ? Est-ce qu'il y a un rapport entre ces terres un peu perdues, dans cette diagonale du vide, donc, et le blues ? Oui, on peut y trouver des parallèles. La tranquillité, la campagne, et puis effectivement de se retrouver dans un endroit tranquille pour enregistrer un album. Voilà, c'est ça qui nous attire et qui nous plaît, quoi. C'est un peu paradoxal en même temps, j'ai trouvé, parce que il y a une volonté chez vous de dépoussiérer le blues, en tout cas le blues traditionnel, un peu à l'image des Black Keys, non ? Ouais, ben. C'est une de vos références. Ben forcément, à la base on a commencé en tant que duo guitare batterie, donc ça fait forcément penser à toute cette veine là, quoi. Mais le côté des Black Keys au début en tout cas, où justement eux aussi reprenaient le blues comme c'était fait plus simplement, quoi, mais juste un peu plus électrique. Et pourquoi vous êtes passé en trio d'ailleurs? Ah, parce qu'en fait je peux pas faire de solo de guitare et il nous fallait un soliste. Voilà. D'accord. Il joue de l'harmonica aussi. Ouais. Bah oui. Tout à fait, ouais. Alors, il y a quand même, malgré tout, un fort rapport à la ruralité, puisque vous y habitez aussi, et même à la nature. Vous en êtes imprégné parce que vous dites caresser le bois, toucher les pierres, humer l'atmosphère. C'est pour ça que vous enregistrez toujours dans des lieux improbables, finalement, des granges, des lieux paumés, des refuges. C'est ça, non ? Ouais, je pense qu'il y a de ça, en fait. En fait, en vrai, on aime vraiment être tranquille. Et quand on se met quelques jours pour enregistrer quelque part, on veut que ce soit un lieu où on soit tranquille, pour le coup, vraiment peinard entre nous. Et on passe finalement pas tant que ça à jouer de la musique, en fait. C'est juste le fait de se retrouver, d'être au calme, en fait. Ouais. Ce qu'on aime, c'est c'est ça. Ouais, qu'on vous dérange pas, hein, si vous voulez. On peut s'en aller, d'ailleurs. Pour pas trop vous déranger. Alors, sans aborder le lieu du dernier album, que je tiens entre mes mains et dont nous parlerons tout à l'heure, nous verrons ça plus tard. Rappelez-nous quand même où ont été enregistrés les précédents albums. Alors, celui d'avant était enregistré dans une grange à Bourbon-l'Archambault, on va dire, à côté de chez nous. Dans la grange d'un ami, en fait. Dans une grange. Ouais, dans une grange où il y a vraiment rien du tout. Et celui d'avant à Châtel-de-Neuvre, un petit village à côté de chez nous aussi, dans une petite baraque en pierre où on était posés tous ensemble au rez-de-chaussée, on dormait à l'étage, et puis il y avait la cuisine en bas, et pendant qu'on enregistrait, ben, Mike cuisinait du pot-au-feu pendant qu'on faisait les prises de son juste à côté de nous. Bon, c'est bien, tu nous diras où vous allez enregistrer le prochain album. Le pot-au-feu, ça nous intéresse. Bah, a priori, ce sera Aurillac, voilà. Donc ce sera plutôt de la Truffade. Mais... Ah bon, ce sera de la Truffade. D'accord. Alors parlons un peu de musique quand même. Votre blues respire un peu mal le Mississippi. Quel lien fais-tu entre le blues, toi Julien, du Bourbonnais et le blues du Mississippi? C'est la rivière, c'est le bah oui. Laquelle? Bah, l'Allier. L'Allier. L'Allier, voilà, grande rivière. D'accord. Oui. Mais au niveau de l'esprit, au niveau de... Au niveau de l'esprit, je suis pas certain qu'il y ait un blues de l'Allier. En vrai. Non. Il y a un blues allier, peut-être, mais bon, de l'Allier. N'y a-t-il pas aussi finalement une même forme d'aridité aussi entre le blues du sud des États-Unis et la vie des campagnes du Bourbonnais, non ? Ben si, forcément, de toute façon, c'est la même chose, c'est du blues rural, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça justement ce paradoxe que j'ai essayé de comprendre en vous écoutant, parce que c'est du blues rural, vous habitez dans la campagne du Bourbonnais, mais en même temps, vous aimez cette modernité du blues, et je reparle encore des Black Keys ou même d'autres références. Donc, il y a quand même un léger paradoxe, non ? Ben, pas vraiment, parce qu'encore une fois, par exemple, les Black Keys, pour les rappeler, au début, quand ils ont commencé, en fait, ils sont, pareil, inspirés de ce qui s'était fait avant, quoi, finalement. Et nous, c'est pareil. Oui, on puisse toujours dans les sources du blues. Ouais. Y a pas, après, on le fait à notre époque, avec ce qu'on a comme référence au fur et à mesure de notre éducation musicale. Et, ouais. Et ça donne ce qu'on sort comme ça. Et vous avez délaissé d'autres formes de blues, comme le Chicago blues, par exemple. Oui. Plus urbain, du coup. Oui. Oui. Je crois qu'il y a, ce qui peut rappeler et ce qui peut faire un peu référence, c'est la simplicité d'enregistrement aussi. C'est-à-dire qu'on a vraiment cherché à enregistrer tranquillement, avec peu de micros. Enfin, là, il n'y a qu'un seul micro. Enfin, voilà, c'est vraiment une simplicité d'enregistrement qui peut, au niveau de l'écoute, peut faire penser à ce qu'on, aux premiers enregistrements. Oui, il y a un micro pour tout le monde, donc voilà. Et tout le monde se rapprochait autour du micro, ouais, comme les groupes jadis. Ouais. C'est comme ça. Et c'est enregistré en live, c'est enregistré tous en même temps. Donc c'est cette approche peut-être qui peut ramener aussi. Au premier blues du Mississippi. Ouais, c'est nos attaches, en tout cas. Et pourtant, j'ai lu aussi que vous délivrez un blues ouvrier et laborieux. C'est pas trop le cas de vie de votre région, qui est plutôt paysanne, non? Oui. Pas vraiment ouvrière. Alors, c'est vrai. Bah oui. Et mais pourquoi on dit ça, alors? Bah, je sais pas. On a toujours pas trouvé qui a dit ça. Et si on le trouve, par contre. Je vais faire appel à des Marshalls pour retrouver. Déjà, j'ai perdu mon Cédric, mais maintenant, j'ai perdu aussi le blues ouvrier. Alors, donc, le blues laborieux, c'est pas vous. Alors, les Marshalls, un groupe moderne et ouvert sur le monde, ancré dans la ruralité de votre région. Donc, ça, je crois que c'est quand même quelque chose auquel vous tenez, ça, non? C'est important. Oui, bien sûr. Mais au niveau des arrangements, donc musicaux, à part le micro qui sert pour tout le monde, est-ce qu'il y a quand même un ampli? Bon, il y a une batterie. Oui, bien sûr. Quand même... Bah oui. Ouais. Bah après, on fait pas du blues acoustique, folk blues de l'époque. C'est pas la même chose, quoi. Ouais. C'est juste qu'on fait, on a nos références et on le sort à notre sauce comme ça vient, quoi. C'est venu comme ça. Et est-ce que c'est pas aussi une forme d'engagement finalement de votre part de défendre le terroir, les campagnes, les petites villes aussi, un peu oubliées parfois, non ? Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un engagement. Il y a pas d'engagement dans notre musique. Il y a juste envie de faire de la musique et de la faire comme nous on a envie de la faire. Après, on se revendique d'un terroir, d'une région, mais il n'y a aucune recherche et aucun message dans notre musique autre que celui de faire de la musique. Et c'est de la faire comme nous, on la ressent. Alors après, les gens qui vont l'écouter, chacun va en avoir une référence et entendre quelque chose qui va lui rappeler si un tel. Mais nous, c'est, quand on l'a fait, on ne pense pas qu'on va faire comme si ou comme un tel. Ou voilà. On fait la musique comme elle nous vient, notre manière de jouer, c'est il y en a un qui amène un riff, un truc, l'autre va se greffer dessus, ça marche bien, et puis voilà, et les morceaux se font comme ça, tout bêtement, très simplement. Je suis pas certain qu'il y ait que ça, parce que je pense que vous revendiquez aussi cette image rurale. Tiens, par exemple, prenons les pochettes des trois derniers disques. des Marshall. Donc c'est carrément des cartes postales anciennes sur les courriers de session. En 2016, ouais. C'est le nom de cet album. C'est un postier du début du XXe siècle qui est dessus, hein, si j'ai bonne mémoire. Ouais, c'est ça. Ouais. Sur une carriole avec son chien. Ouais. En 2014, c'est un gamin à la ferme avec une bête suspendue et dépecée autour de lui. Le gamin, c'est Thomas, en fait. C'est le Thomas, le batteur du groupe. D'accord. C'est le gamin en question. Il a grandi hein, depuis. Ouais. Ouais, il a mangé le cochon. Quoi. Il a mangé aussi le cochon, d'accord. Bon. En 2019, sur les Bruyères Sessions, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir pourquoi vous appelez à chaque fois Parce que c'est une session dans le lieu où on a enregistré, quoi, c'est tout. Quoi. D'accord. Alors, sur ces Bruyères de Sessions, c'est un paysan auvergnat avec son cochon. Vous ne poussez pas un peu le cochonnet, justement, si je veux dire, un peu trop loin, non? Ah, ça, c'est... Bah après, c'est que, ouais. Après, sur les Bruyères, le cochon est vivant, a priori. Oui, il n'est pas encore dépassé. C'est la différence avec le premier. Mais bon. Non. Bah après, ouais, on aimait bien les animaux, tout ça. Le côté rural aussi de la chose. Ouais. Parce que ça nous rappelle aussi quand on était petit, en fait, avec nos grands-parents, etc. Quoi. Vous avez tous passé votre enfance dans cette région. Très loin. Moi, je suis de Nevers, donc. mais oui, c'était la campagne. J'ai connu la même campagne, les mêmes fermes et les mêmes voilà. Mais c'est curieux parce que, excusez-moi, mais je reviens toujours à cette histoire d'ancrage dans cette région, de cette diagonale du vide comme on le lit. Mais tout de même, sur l'origine des Marshalls, on décrit quand même cette région qui est un peu dépeuplée. On a la sensation qu'on ne peut rencontrer personne. Ouais, c'est pas forcément vrai, hein, parce que bon, quand même. Ça, c'est l'image d'Épinal. Ouais. Bah, c'est un peu cette image aussi qui est véhiculée à travers justement les pochettes de disques, à travers ce que vous en dites, non? Non, on véhicule. Enfin, c'est pas volontaire en tout cas. On aime vraiment juste le rapprochement à la campagne et. À la ruralité, voilà, quoi. La ruralité, parce qu'encore une fois, on vient de ce milieu-là, en fait, c'est tout, quoi. Mais la ruralité n'est pas non plus le dépeuplement. Il y a du monde, hein. Moulins, il y a du monde, hein. Ouais. Il y a quand même du monde. Pour nous, il y en a déjà beaucoup, hein. Oui. Trop de monde. D'accord, bon. Allez, revenons un petit peu à la musique. Vous, le dernier titre qu'on vient d'écouter sur scène s'appelle On the First Day. Ouais. C'est ça, hein. Et il ne fait pas partie justement du dernier album dont on parlera lors de la prochaine intervention, mais de l'album des Bruyères Sessions. Pourquoi vous avez choisi de titre au lieu de ne choisir que des titres du dernier album? Il a un sens particulier? Perso, j'aime bien le jouer. J'espère. Ouais. Non, mais il y en a qu'on aime moins forcément, mais celui-là, j'aime bien le jouer. Et vu que la dernière fois qu'on était venu, c'était à l'époque des Courriers Sessions. Ouais. Et je me suis dit que du coup, ce serait sympa d'en jouer un de l'album intermédiaire, en fait, quand même. D'accord. Donc, on l'a entendu. Voilà. Très bien. Et on n'a pas fait forcément la liaison avec l'album suivant. Alors, on abordera votre dernier album ensuite. Mais je vais peut-être déjà vous laisser regagner la scène du Blues Café avec deux titres. Un mot peut-être sur les deux titres que vous allez jouer, Rolling et See the Lightning, hein, c'est ça? C'est le premier morceau et le dernier morceau de l'album. Tout simplement. C'était voulu? Ouais. D'accord. Une ouverture, une fermeture. Voilà, d'accord. J'espère qu'on ne va pas fermer quand même la porte de la soirée. Merci, on se retrouve tout à l'heure et je vous demande d'applaudir les Marshalls sur la scène du Blues Café. Sure. once near this cold lake. In the meantime, I can hear it so close. I don't believe in sight. See the head in storm when you call my name. Growl in silence, a shivering stage, an old dog barking, trying to keep me safe. Is it head in storm when you call my name? Last night, I fade dream or so. I heard a ringing bell, and then the sound's all gone. And the head in stone, when you call my name, can you see the lightning? Can you see the lightning? Can you see the lightning? Can you see the lightning? Can you see the lightning? When you call my name. Once near this cold lake, in the meantime, I can hear it so close. I don't believe in sight. See the head in storm when you call my name. Nous sommes au Millennium de l'île d'Abeau avec ce groupe qui nous vient de Moulins dans l'Allier. On va redemander à Julien de venir au micro, et puis on va demander aussi à quelqu'un qui n'est pas sur scène avec les Marshall, mais qui travaille avec eux, qui s'appelle Mike. Salut Mike. Bonsoir Francis. On peut applaudir Mike parce que ce sont des gens qui travaillent un peu dans l'ombre, mais qui font un gros travail, puisque tu vas un peu expliquer ce que tu fais avec les Marshall, mais tu es attaché de presse. Voilà, on avait monté un label avec un ami, Fremont Records, et puis bon, bah, c'était tout naturel d'inviter les Marshall à faire partie de ce label parce que la ligne éditoriale, enfin on va dire la ligne artistique du label correspondait. Et puis ce label s'est terminé, et vu qu'on est devenu amis avec les Marshall, bah, je me suis dit que ça serait bien quand même de continuer de les accompagner, et entre autres les accompagner sur la presse, ce qui était une de mes casquettes au label. Pour lequel je m'éclatais. La presse, je trouvais ça vraiment cool, de contacter les gens, de présenter les projets du label, et entre autres ceux des Marshall. Et on avait toujours des très bons retours avec les Marshall. Donc voilà, j'ai eu envie de continuer. Et puis... Donc ça veut dire, parce qu'on ne parle pas souvent finalement avec les attachés de presse, ça veut dire que tu as un portefeuille de noms, enfin d'adresses. C'est ça, ouais, un gros fichier Excel. Contactes, un fichier, ouais. Et puis que tu contactes dans la presse, et, écrite. Ou radiophonique ? Complètement, des blogs, on est principalement sur un réseau français, mais bien belge aussi, francophone, Québec et tout ça, et puis on s'écarte un peu dans l'Europe, et puis on a quelques touches aux États-Unis aussi, dans les pays de l'Est, ah oui, en quand Espagne, même, ouais, quand même, bon, ça reste ouais. Un microcosme, hein, mais, mais ouais, on arrive à toucher avec les Marshall à l'international. C'est... Alors En quelque sorte, tu les vends, si je puis dire, mais... Enfin, c'est ça. Je les vends, mais c'est un métier un peu ingrat, parce qu'on vend sans faire d'argent, mais c'est ça, en fait. Ouais. On se bat pour faire découvrir le groupe, comme alors, des bookers pourraient le faire, en fait. Mais alors, justement, pour faire découvrir le groupe, ou tout au moins essayer d'avoir un attrait de la presse sur ce groupe, quels arguments principaux tu utilises pour les Marshall, justement ? tu vas pas me dire que ce que j'ai dit dans la première intervention, la ruralité, les villes qui... C'est très mécanique. C'est très mécanique. On envoie des disques, on relance, on demande si les gars ont écouté. Et... Alors après, on s'est creusé un réseau aussi de gens qui commencent à connaître les Marshall. Et quand les gars reçoivent dans la boîte aux lettres le disque des Marshall, bah, ils sont contents. Ils mettent ça dans leur lecteur. Ou si c'est des liens, ils écoutent ça. Et voilà, généralement, ils sont contents. On a toujours des bons retours. Et au fur et à mesure des années, des albums, le réseau se tisse. Il y a plus en plus de gens qui aiment de la presse. Et on arrive à fournir un pressbook assez épais, finalement. Donc, en fait, il n'y a même plus vraiment d'arguments à apporter parce qu'il y a une certaine notoriété qui est là, quoi. Est-ce que tu interviens aussi dans leur développement artistique ? Non, en tant que conseil ou... Non, je joue du tambourin de temps à autre sur les albums. J'allais dire je joue du pipeau. Ouais. Bon. Non, vraiment, nous, comme on avait basé ce partenariat avec Fremont Records à l'époque, les Marshall créent leur musique. Ils sont en autonomie, ils font leur truc et ils nous apportaient l'album tel qu'on devait le commercialiser, en fait. J'ai jamais eu vraiment de conseils à leur donner, et je crois qu'ils n'en ont pas besoin, en fait, parce que, comme ils composent, c'est... Et alors, c'est vrai, magique. Cette légende où tu prépares le pot-au-feu pendant qu'ils enregistrent leur album. C'est vrai. D'accord. Tu apportes le vin, aussi ? De temps à autre, mais Laurent fait des tartiflettes aussi pendant les enregistrements. Tu voudras bien nous prévenir pour le prochain enregistrement. Mais bien sûr. Ben alors justement, voilà, c'est ça. Thomas, donc le batteur du groupe, je disais tout à l'heure que chaque album des Marshalls portait le titre des sessions. On a compris pourquoi, puisque ce sont des sessions d'enregistrement. Mais le dernier n'échappe pas à la règle, puisqu'il se nomme Le Petit Cham Session. Alors évidemment, on va vouloir savoir ce que c'est que ce Petit Cham. Un sommet. Un hôtel-restaurant au pied des pistes ou encore un lieu improbable. C'est un gîte-hôtel, en fait. Ah, j'étais pas loin. Au pied du Sancy. D'accord. Et le Sancy, on le voit sur la pochette, d'ailleurs, c'est pas très radiophonique. Mais... C'est moi qui ai pris la photo un matin en buvant mon café. D'accord. Sur la terrasse. Et donc le propriétaire de l'hôtel est un ami maintenant et il nous avait proposé de faire l'album chez lui pendant. Donc il nous a laissé l'hôtel pendant une semaine. D'accord. Alors là, il n'y avait pas de pot-au-feu puisque c'est un hôtel-restaurant. Non, mais on avait les cuisines à notre disposition, donc on s'est fait plaisir quand même. Au niveau du son, ça changeait justement des autres lieux qui étaient une grange pour un disque. Ah ben, chaque lieu est différent de toute façon. Mais au niveau du son, est-ce qu'il y a justement un travail différent ? Parce que si le lieu est plus important, entre une grotte et puis un hôtel-restaurant, j'imagine qu'il y a un changement. On s'adapte selon le lieu. Mais la base est la même, en fait. C'est toujours un micro au milieu de nous trois. Toujours. Et 3-4, on y va, et puis on voit ce que ça donne. Ouais. Et ce micro unique au milieu de vous trois, vous ne reproduisez pas ça sur scène ? Non, alors sur scène, on fait déjà au minimum, on a 5 pistes. Donc c'est vraiment du minimum 2 pour la batterie, 1 pour la guitare, 1 pour l'harmo, puis 1 pour le chant. On pourrait faire moins, je pense, hein, globalement. Oui. Ouais, lui, il est d'accord. Viens causer un peu, toi. Alors, ce sixième disque, comporte 9 titres. Oui. Quel esprit nouveau dégage-t-il par rapport au précédent ? Oh là là. Ah ouais, c'est une question piège. Hein. Ouais, non, mais c'est que je fais des fautes d'orthographe quand je parle, moi. On corrigera, tu as Mike à côté qui va te... Mais ça, c'est plus votre rayon, les gars. Ouais, merci, c'est sympa. Non, mais je pense qu'il faut faire confiance à Julien. Ah, bah t'as voulu le micro, tu l'as. Ah non, ils m'ont dit, vas-y. Je vois rien. Viens là, tout va bien. C'est lui qui fait les morceaux, c'est lui qui compose. Je demandais quel esprit nouveau dégageait ce nouvel album par rapport au précédent. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé sur cet opus ? Au niveau du son, au niveau des paroles, des textes, puisque ce sont des compositions quand même. La différence avec le précédent, c'est qu'il est en stéréo. Celui d'avant était en mono. Voilà, d'accord. Sinon, les textes... C'est une ouverture à la modernité ? Ah bah carrément, ouais. Là, on est direct à peu près en 66, par là, quoi, donc c'est énorme. Justement, les paroles, qu'est-ce qu'elles racontent là, dans cet album ? Les paroles, ça parle souvent... La diagonale du vide, pour le coup. Ah, tu vois, on y revient, hein, non, ça finalement. Parle de comment le monde va beaucoup trop vite et comment on oublie souvent le silence, bon. Etc. Ça tourne... Tu veux que je me teste, peut-être ? Non. Pour le silence. Il y a aussi... Le bruit des machines, surtout le bruit des gens, c'est différent, ça fait du bien. En tout cas, en l'écoutant fort au casque, moi, je sentais aussi des pointes parfois de mélancolie. Je ne sais pas si c'est lié à cette ruralité, voire d'humanité aussi, je me trompe, non ? Ouais, et puis après, c'est vrai que on l'a enregistré en fin de compte. On a tardé à le faire parce qu'à la base, on voulait le faire un petit peu avant. Puis il y a eu toute cette période de blocage mondial en fait, qui a duré pendant quand même un bon moment. Ah, c'est arrivé aussi dans l'Allier, le Covid ? Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Ah, incroyable ! Ouais. Juste avant la grippe. Par la nationale, quoi, du coup. Ouais, c'est ça. Du coup, il y a peut-être toute cette période-là qui a joué un petit peu de mélancolie aussi dans le truc. Quoi. Mais il n'y a pas que ça aussi. Je crois qu'on y parle aussi de sorcellerie, d'oiseaux de nuit, de vent, des orages, de la lumière après le désastre. Non, mais ouais, mélancolie, surtout de l'espoir. Le monde est quand même particulier en ce moment. Quoi. C'est pas chouette. Ouais. Mais on va continuer, quoi. C'est tout en fait. Et qui écrit dans le groupe ? C'est Mike. J'aime bien parce que Thomas qui désigne Julien et Julien qui désigne Mike. Bon, il faudrait savoir quand même. Non, mais ouais, je fais les paroles. Ah, donc tu fais les paroles. Voilà. Et au niveau de la musique, comment ça se passe donc entre vous ? La musique en général, ça part de trucs de guitare en fait, d'idées de mélodie. Et puis après, on poursuit tous les trois. En fait, on se pose, on répète, on fait à peu près comme quand on enregistre. En fait, on se met un micro au milieu et puis on part sur un truc, on essaye de voir ce que ça donne tout simplement. Et les paroles viennent après ? Ouais, c'est ça. D'accord, on parle. C'est souvent comme ça d'ailleurs, hein, je crois, les groupes. Ouais, il y a des gens qui arrivent à écrire des paroles et coller une instru dessus, en fait, je ne sais pas comment ils font. Enfin, j'ai pas compris encore, mais ça viendra. Alors, je parlais de sorcellerie tout à l'heure et vous allez jouer dans un instant le titre « Witches ». Ouais. J'en ai déjà froid dans le dos. Ça raconte quoi, ça ? Ça raconte quoi ? Ouais. Ça raconte tout simplement l'histoire d'un gars qui passe beaucoup de temps à pas trop savoir sur quel pied danser et qui finalement, une fois le soir tombé, a simplement peur de se retrouver tout seul et commence à partir dans des délires chamaniques. Voilà, chamaniques. Un peu. D'accord. Alors, on est simplifié. Vraiment dans des terres un peu perdues, hein, ouais, c'est vrai. Il y a encore des chamans. Hein. Ouais. D'accord. Alors, après, sur ce titre, mais c'est peut-être très subjectif, je trouve qu'aussi un léger souffle de British Blues, est-ce que c'est une de vos influences, non ? Ou c'est simplement moi qui le perçois comme ça ? Aucunement, mais en tout cas, oui, c'est possible que ça ressorte. Ouais. Encore une fois, il y a eu tellement de choses de faites avant que, vu le parcours qu'on a tous et d'avoir écouté plein de choses différentes, il y a beaucoup de choses qui doivent se retrouver en chacun. Ouais, forcément. Et puis, sorciers, enfin des sorcières, pas mal de choses. Et ça continue par les oiseaux de nuit dont je parlais tout à l'heure avec Hall, hein, qui clôturera là d'ailleurs l'émission. C'est pas bientôt fini de nous faire peur. C'est pour ça le 2 novembre, la date était bien choisie finalement. Oui, mais c'est diffusé un peu plus tard. Il n'y a pas de citrouille. Quoi. Non, qu'est-ce que c'est que ce titre alors, le hurlement ? Eh bien, en fait, finalement, sur cet album, en faisant les paroles, je me suis un peu dit que j'avais envie de rappeler un petit peu aussi des personnages que j'aime beaucoup. Donc, par exemple, Pauline Wolf, le See the Lightning, en fait, le dernier qu'on a joué avec Laurent juste avant. Ouais, mais ça, je vais en reparler un peu. Ça me fait penser, pour le coup, ça me fait penser à Sam Hopkins, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et See the Lightning, en fait, Can You See the Lightning, finalement, sans le vouloir, c'est une phrase des paroles du morceau de Tony Joe White qu'on a repris dans le disque, Elements and Things. Donc pour moi, ça avait un lien, tout ça en fait. Justement, je voulais revenir un petit peu sur ce titre, See the Lightning, que vous jouez à deux. Oui. C'est-à-dire vous avez viré Thomas. Ouais. On se demandait d'ailleurs pourquoi il partait. mais c'est bien, c'était très. C'est pas parce que tu n'y étais pas, Thomas, c'est parce que je veux dire, mais. En fait, finalement. Moi, j'ai trouvé assez superbe ce titre. Il y a deux ballades d'ailleurs que je trouve superbes. Bah, See the Lightning et le Still the Silence. La différence avec les anciens, oui, c'est ça aussi. Avant, on faisait toujours. En fait, vu qu'on avait démarré à deux, batterie-guitare, quand l'harmonica est arrivée, on a fait des morceaux tout le temps en trio. Et finalement, après, on a réintégré aussi à chaque fois un morceau où on n'était que batterie-guitare pour rappeler comme avant. Et finalement, là, on s'est laissé le choix aussi de faire plutôt harmo-guitare plutôt que batterie-guitare. Et même un morceau guitare-voix, tout simplement. Et c'est vrai que. Et on a même fait un morceau aussi batterie-guitare. On a fait un peu ce qu'on voulait faire. On retrouve aussi, donc, dans ce silence, le silence, toujours ce silence. Et oui, Still the Silence. On revient aux terres perdues, le silence, la diagonale du vide. Oui, Still the Silence, c'est un morceau que j'aime beaucoup, pour le coup, le morceau guitare-voix, parce que ça parle vraiment de ça, du monde qui va beaucoup trop vite, avec beaucoup trop de bruit tout le temps, pour pas grand-chose. Et il y en a marre, quoi, en fait, c'est tout. Et ben, le bruit, justement, le bruit, là, on a écouté Rolling, ouais. Qui ouvre l'album, donc, ouais. Tu l'as dit tout à l'heure, et qui parle de grondement, il me semble, ça annonce l'orage, ouais, les éclairs, peu. Non, ouais, c'est ouais, ça bah, aussi, bah, oui, bien sûr. On a joué un jour d'orage. Non, c'est ouais, la reprise de Tony Joe White, ouais. Elements and Things. Pour le coup, il parle de tonnerre et dedans, d'éclairs, tout ça, dans, ouais. Dans les paroles. Et le jour où on a voulu l'enregistrer au Petit Cham, on avait les baies vitrées complètement ouvertes parce qu'il faisait un peu lourd. Et en fait, il y avait de l'orage. Et du coup, on a enregistré les vitres ouvertes du coup, pour capter l'orage. Ouais, ouais, ouais. Au tout d'accord. Début, on a réussi à en caler un petit peu. Mais et du coup, tout le matériel était trempé. Non, pour le coup, par contre, si, le dernier, See the Lightning, qu'on a joué tout à l'heure, on l'a enregistré dehors, pour le coup, et, à côté de la rivière. C'est le bruit de la rivière qui ouvre le morceau et qui le termine. Champêtre, champêtre. Alors, sur le disque, toujours, il n'y a que des compositions, sauf un ouais. Titre de Tony Joe White, Elements and Things. Pourquoi cette reprise ? Eh bien, parce que bah, c'est un morceau que j'aime beaucoup déjà. Et en soi, un jour, on était parti en répète à buffer un petit peu, à faire des trucs. Et il y a un truc de guitare qui était sorti. Je me suis dit, tiens, ça me rappelle le morceau de Tony Joe White. C'est pas la même chose, mais en fait, finalement, ça me rappelait ça. Donc du coup, vu qu'on cherche à faire une reprise par album, on est parti sur celui-là. D'accord, voilà. C'est bien. Ouais. C'est bien cette reprise. Et il y a un autre morceau aussi que les Marshalls ne joueront pas ce soir. Désolé, cher public. Et pourtant, j'adore ce titre. New Dawn. Ah oui. New Dawn, que vous assez long d'ailleurs. Ouais. Presque une œuvre. Pourquoi vous n'avez pas voulu le jouer? Parce qu'il est trop long? Bah, je sais pas en fait. C'est lequel? C'est celui-là, on est que tous les deux. Ouais. Ah ouais. Mais bah oui, il n'y a pas ouais. Lolo, donc il est bien ouais. Celui-là. Celui-là, en fait, je crois qu'on l'a... On l'a jamais rejoué depuis qu'on l'a enregistré, je pense. Je crois, ouais. Ouais. Si. Ouais. Si. Ah ouais. À la fête de la bière. Ouais. Ah. La fête de la bière. Voilà, donc ouais, il manquait la bière. Parce qu'il y avait, c'était une belle occasion. Ouais, ouais. Et puis, pour finir, ce Troublemaker que vous allez jouer en second, je crois, en second titre après. C'est une sorte de boogie, hein. J'ai l'impression, non. En mode un peu court, puisqu'il dure 2 minutes. Ouais. Sur le disque... pourquoi ce boogie en 2 minutes? Non, moi j'aurais bien aimé qu'il dure un peu plus longtemps. Ben, je sais pas en fait. En vrai, on réfléchit pas, on cherche pas. Si c'est comme ça, on s'arrête quoi. Ouais. Non mais c'est vrai. C'était trop vif, trop fatigant. Ouais, vous ben non, mais par contre, ouais, il est fatigant ouais, celui-là. Fatigant. Non, d'accord. Mais... Alors, le Petit Cham est sorti cette année. Où est-ce qu'on peut le trouver? Ben, on en a ce soir déjà. Oui, d'accord. Ouais, parce que maintenant, c'est la nouveauté aussi, c'est qu'on pense à prendre les albums avec nous quand on va jouer. Ouais, c'est bien. C'est une avancée. Non, après, en vrai, il est dispo à peu près partout, auprès du label, auprès des disquaires, sur Internet. Il y a un site où on peut vous trouver? Bandcamp. Ouais, Bandcamp. Sur Marshall's Bandcamp, pour écouter, ouais. En plus, ça permet d'écouter ouais, voilà, on peut l'album. Écouter, et puis acheter ce qu'on veut. Il y a tous les albums de dispo. Ouais. Et puis après, ouais, auprès du label, ouais. Sur Flower Coast. Ouais. Alors, l'album s'appelle Le Petit Cham Session. On a compris que c'était un bar-restaurant situé au pied des pistes, devant le mont. Le mont du Sancy. Ouais. Le mont du Sancy, bravo. Il connaît bien sa région. Donc, on retrouve sur la pochette avec les Marshalls qu'on va, on va vous retrouver sur la scène pour 3 autres titres. Laurent Siguret, donc, à l'harmonica. Thomas Duchoseau à la batterie, bien. Julien Robalot au chant et à la guitare, et on salue Mike, l'attaché de presse. Bravo! Crowd the tire, no more power to play. prochain morceau, c'est le fameux morceau qui est fatigant à jouer. Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission Concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Nous sommes bien dans le Blues Café au Millennium avec ce soir le groupe des Marshalls. Merci à toute l'équipe du Millennium, de mémoire Benoît qui remplace Ludo, Sébastien, Margot, Audrey, les bénévoles qui aident au repas des artistes et à toute l'équipe. Merci aussi à François pour la captation vidéo. Je vous rappelle que l'émission est mixée au studio Magneto à Lyon par Rico, des Colmy Rico, un artiste que nous connaissons bien dans la région. Merci à vous. Oh,